Yeah. Que faire de la terre à Notre-Dame-des-Landes? Alors, que faire de la terre en général? C'est la même chose que sur toute la planète, la même question en fait, pas plus à Notre-Dame-des-Landes qu'ailleurs. Donc la protéger, la bichonner, ne pas la détruire, se nourrir délicatement et avoir une forme d'agriculture raisonnée en essayant de détruire le moins possible de choses autour de nous, parce que la terre elle-même est riche en plantes et en choses qui nous font vivre. En fait, c'est la vie, quoi. Donc on ne veut pas vivre en détruisant la vie, c'est pas possible. Saisi par la société Aéroports du Grand Ouest, le groupe Vinci, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a délivré une ordonnance interdisant à quiconque de mettre en culture ou de procéder à quelque plantation que ce soit sur les parcelles situées dans la ZAD du futur aéroport Notre-Dame-des-Landes. Trois organisations agricoles opposées au projet ont appelé à participer à la mise en culture de 24 hectares sur la zone ce samedi. Le tribunal précise qu'AGEO pourra se faire assister de la force publique pour évacuer les contrevenants, qui encourent une amende de 200 euros. Comme ça, c'est clair au moins. Voilà, AGEO peut faire venir les flics avec les bénédictions de la préfecture, quoi. D'accord. De toute façon, là, ils sont à l'hôtel Ibis, là. Peut-être qu'ils vont venir, peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. Voilà, on va voir. Mais donc, ça veut dire aussi que tous les gens qui cultivent sur la ZAD sont passibles de la même chose. Eh bien, ça veut dire que les prairies qu'on va semer après l'ensilage de maïs, on n'a pas le droit de semer de prairies. C'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi que tous les potagers, sont illégaux aussi. Bien sûr. Cette émission ouvre le premier volet d'une série sur la Terre. La Terre, vaste sujet. Un peu de bricolage autour d'une action de mise en culture sur la ZAD qui a eu lieu le 5 octobre 2013. Depuis 40 ans, le Conseil Général rachète les maisons et les terrains de la zone. À chaque fois qu'un propriétaire s'en va, les maisons et les terrains sont appelés libérés. Les maisons sont occupées ou détruites. Les terrains sont redistribués individuellement aux exploitants agricoles de la zone en attendant que Vinci se charge de les bétonner. Cette fois-ci, les parcelles libérées vont être cultivées collectivement. Les trois organisations qui ont appelé à cette action collective de mise en culture le 5 octobre sont l'ADK, le Copain 44 et Semtazad. ADK, association de défense des exploitants concernés par l'aéroport, créée en 1972. Copain 44, collectif des organisations professionnelles indignées par le projet d'aéroport, créé en 2011. Semtazad, assemblée paysanne d'occupants de la ZAD, créée en avril 2013, qui est à l'origine des appels à cultiver sur la zone et qui gère certains projets agricoles sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, la zone à défendre. Tu peux me donner la version officielle des partages. Donc il y a combien d'hectares pour l'ADK ? 5 hectares à l'ADK ici, ouais. De triticale, donc qui vont être conduits par l'ADK jusqu'au bout. Mm-hmm. Il y a 9 hectares qui vont être conduits par Copain, donc là avec le soutien de l'ADK aujourd'hui, enfin des tracteurs qui sont, mais après essentiellement des tracteurs de Copain, mais 9 hectares qui vont être en mélange céréales et qui seront conduits par Copain, et 8 hectares qui seront conduits par Semtazad. Là il va y avoir 4 hectares. Il y a une parcelle de 4 hectares où il va y avoir 2 hectares et demi qui vont être mis en seigle et 1 hectare et demi en épeautre. Donc ensuite, ça va être transformé en farine pour l'équipe qui fait le pain de la ZAD, qui va aller essayer de faire des mélanges de farine pour le pain. Ça va rester sur la ZAD, ça, c'est ouais, ouais, bien sûr, ouais. En tout cas, au niveau de Semtazad, ensuite, il va y avoir 2 hectares qui vont être mis en engrais vert avec soit de l'avoine, soit de la veste, mais potentiellement plutôt de la veste. Et de la veste. c'est quoi ? C'est une, ça s'utilise beaucoup comme engrais vert. C'est une plante qui est assez invasive, mais qui s'utilise comme engrais vert et qui va être broyée, au printemps. Et on va mettre du sarrasin pour pouvoir mettre du blé l'année prochaine, le blé panifiable qui est fait aussi pour le pain de la ZAD. Et il y aura encore 2 hectares en mélange céréales. Voilà. Et ensuite, là, la partie copain, elle est plus, c'est du mélange céréales qui va être mis. Pois triticale et avoine. Et donc là, la parcelle qui est plus prise en charge par la DECA, c'est du triticale. Pas mal, là. Il y a un big bag de... Ça va se brancher quand tu vas mettre au-dessus. Ouais. Grosso modo, il y a entre 5 et 10 qui seraient sur une conduite plutôt classique. Mais peut-être que 5, je ne sais pas, ce que ça bouge un peu. Entre 5 et 10 sur une conduite classique et 10 qui sont plutôt pour répondre aux attentes de la ZAD. Radio Klaxon. Alors, on vient d'entendre un agriculteur de la DECA qui nous a expliqué un petit peu ce qui se passait là. Et alors, les ZADistes, qu'est-ce qu'ils font là ? C'est un peu plus vaste que les ZADistes, en fait. C'est l'assemblée de SEMTAZAD, là, c'est une espèce de truc un peu flou et c'est avec plus plein vaste de gens. Et peut-être plus restreint en même temps, non ? Parce que... Oui, certainement. Oui. Dans le sens où il y a des gens qui participent pas à SEMTAZAD et qui font leur petit jardin et qui cultivent collectivement leur potager pour se nourrir. Là, vous allez semer du triticale, c'est ça ? Pour une partie du triticale, pour une partie du mélange céréalier, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'avoine et du pois, pour que ce soit une culture qui puisse se nourrir elle-même sur toute l'année. Et pour une autre partie, il y a des choses plus originales, comme de l'épeautre, du seigle, et puis aussi des couverts pour faire des semis de printemps. Là, il y avait quoi avant, ici, là ? Sur ces surfaces là, en 2013 il n'y avait rien et en 2012 il y avait du maïs. D'accord. Donc, qui a été récolté au mois d'octobre 2012 quand c'était très chaud. Tu avais les CRS sur la route et les ensileuses qui récoltaient le maïs dans le champ. Mais le triticale, donc il y a quand même, des pesticides dedans, c'est ça, qui vont être mis pour une... deux fois d'après ce que je sais. Deux fois ? Non. Crénon. Une fois seulement oui, aussi sans doute au moins deux fois. Pour une partie, ça a été conçu pour aussi, dans ce travail qui est commun, qui est l'image de la diversité de l'agriculture qui existe aujourd'hui sur la ZAD. Tu vois, il y a des fortes attentes d'une agriculture sans intrants, plus ou moins en bio, etc. Mais la réalité des agriculteurs aujourd'hui, c'est pas ça, même si les agriculteurs sont pas contre la bio, mais ça correspond à un déphasage technique très fort. Voilà, alors un petit commentaire sur ce que le représentant de la DECA vient de dire avec quelqu'un là qui est dans le studio avec nous. C'est par rapport donc au déphasage technique là. Soi-disant qu'ils n'auraient pas le temps de le faire sur ce terrain-là et c'est pour ça qu'ils continuent de mettre des pesticides et pour en même temps représenter la diversité des pratiques sur la zone. Les terres qui sont cultivées ici avec les paysans, du coup, elles sont majoritairement avec des intrants chimiques et tout, puisque les paysans sont, enfin, c'est eux qui, les agriculteurs déjà en place, c'est eux les plus nombreux en termes d'hectares, c'est pas les squatteurs. Donc ils en utilisent déjà largement assez ailleurs. On pourrait éventuellement leur pardonner d'utiliser ça, puisque ils savent pas faire autrement, ils ont appris comme ça, ils ont toujours fait comme ça, leur terrain il est pourri désormais en plus, donc voilà. Et s'ils font pas ça, effectivement, leur entreprise périclite, ils se retrouvent au chômage, oh les pauvres, ils seront obligés de ne plus travailler. Enfin bon, on leur pardonne pour ça, mais là du coup ils vont squatter des terres en plus, où ils auraient soi-disant donc pas le temps de le faire autrement. Mais ces terres-là sont quand même en plus de ce qu'ils ont déjà, donc ils font quelque chose qu'ils n'ont pas le temps, tout en balançant des pesticides, et du coup je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est un peu inutile. Bon après ils font pas que balancer des pesticides, ils font aussi un peu de prairie, c'est déjà un petit effort. Mais pourquoi se sentir obligé à tout prix pour marquer leur diversité qui est plus que majoritaire dans la pratique au niveau des hectares? Pourquoi vouloir l'imposer à nouveau à cet endroit-là, quoi? Enfin, c'est pas parce qu'on fait des conneries qu'il faut à tout prix en être fier, quoi. Avoir une idée de la proportion en fait de terres cultivées sur les 1600 hectares de la ZAD. Oh, si on veut aller vite, on va dire 1000, hein, à peu près, ordre de grandeur, quoi. Ouais. Et la friche là-dedans? La friche. Le rien, le pauvre. Le rien, c'est, tu veux dire laisser la terre se reposer, c'est ça? Ah oui, non mais. Là, tu parles à un agriculteur. Bon, enfin, tu vois ces plantes-là? Oui, ça s'appelle du rumex. Bien, déjà. Voilà. Alors, par exemple, le rumex, par exemple, le chardon que tu dois connaître aussi, oui. C'est des plantes, si elles ont envahi, pour nous, si elles ont envahi une parcelle, on n'a plus décemment que les produits chimiques pour maîtriser ensuite, quoi. L'histoire du rumex, c'est un truc assez important en fait, parce que c'est un peu un symbole. C'est le symbole de la mauvaise plante qui pousse partout, qui emmerde tout le monde. Pour répondre à tout ce qui vient de dire là, c'est hyper long parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà sur la friche, si on veut faire de la permaculture, on est obligé de laisser une partie du terrain se reforester. C'est indispensable. Du coup, là, on retombe encore à nouveau sur le problème de différence de culture. Et ensuite, par rapport au rumex, c'est normal, au début, ça va surtout être ça, des chardons, des trèfles, ça va être des plantes qui peuvent pousser sur des sols relativement pauvres, puisqu'ils ont été surexploités, et en plus, hyper compactés. Parce qu'à chaque fois qu'ils passent la charrue, ils retournent la terre hyper profond, et ensuite, ils roulent dessus avec un tracteur. Du coup, en plus, ici, dans un sol argileux, ça tasse beaucoup la terre. Du coup, forcément, il n'y a que certaines plantes qui peuvent y pousser, des plantes qui ont des grosses racines, etc. Mais aussi, si ces plantes, c'est les premières qui poussent sur les friches, c'est parce que c'est elles qui vont décompacter la terre, parce qu'elles ont des grosses racines. Du coup, évidemment, au début, on est obligé d'avoir ça, mais ça vient de leur pratique de culture, où on tasse la terre à fond. Et concernant le fait qu'il n'y a que les produits chimiques, non, il y a des gens qui font l'agriculture biologique avec des tracteurs et qui n'utilisent pas de désherbant chimique. Ils font du désherbage mécanique. Après, c'est d'autres techniques, d'autres matériels. Mais c'est tout à fait possible, puisque enfin, on imagine difficilement aujourd'hui le pain bio vendu à Super U désherbé à la main, le champ de blé, quoi. Ils ont forcément des moyens techniques qui existent et qu'ils connaissent en plus, mais ils n'ont pas le matériel pour, parce qu'ils ont du matériel pour balancer des agents chimiques. Alors, est-ce que ce n'est pas un cercle vicieux? D'après ce que j'ai compris, donc ce rumex, là, il apparaît parce que la terre est très dure et que c'est la seule plante qui arrive à sortir là-dedans. Elle est très dure parce que elle a été super traitée et du coup elle en a marre. Et donc il n'y a plus grand chose dedans. Il n'y a plus tellement de végétaux, ni d'animaux d'ailleurs. Des petites bêtes, vous savez, les petites bêtes là, qui permettent de faire respirer la terre. Et du coup, ce rumex, là, le méchant rumex, il arrive à sortir, il surgit comme ça et il emmerde les potagers aussi, les petits potagers. Mais en même temps, si on continue à vouloir le supprimer, ben on redurcit la terre et du coup c'est un cercle vicieux. Ouais, tant qu'on utilise les mêmes techniques qui sont pas pérennes, forcément ça recommence quoi. Tant qu'on tasse la terre, ben il y a que ça qui pousse quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup une question d'échelle, parce que on peut évidemment vouloir se débarrasser du rumex pour pouvoir faire pousser nos petites salades, mais si c'est à une petite échelle, eh ben, il suffit de les couper, de les cramer. Alors c'est chiant, mais en même temps, sur des petites parcelles, juste pour se nourrir, comme voilà, d'une économie familiale, une agriculture vivrière, eh bien, c'est pas si compliqué. C'est un petit peu fatigant, mais en même temps, si c'est à une petite échelle, ça c'est possible, quoi, non ? En fait, moi, j'ai vraiment l'impression que le problème, c'est plus on est grand, plus on fait des conneries. Voilà. Cet instrument là, c'est une bêche. Yep. Une bêche rouge, une belle bêche rouge. Mmh. Alors, tu es venu avec ta bêche aujourd'hui pour donner des coups de bêche dans ces 23 hectares libérés. Ouais, plus précisément pour la haie qui va être plantée. Il va y avoir du fruitier et différentes essences d'arbres. Et alors, qui est-ce qui a décidé ça alors ? Et ben, c'est la GSM Tazad. D'accord. Avec par rapport à la proposition de la DECA. La plantation des fruitiers, là, moi je voudrais savoir qui est-ce qui a présidé à cette décision là, parce que c'est pas trop le moment, si C'est pas le moment, après c'était pour, histoire d'arriver à en planter si les gens avaient des plans pour la journée, mais on va en mettre plus tard dans l'hiver. D'accord. Là, surtout le moment, c'était pouvoir commencer à aller. Donc il y a une charrue forestière qui est passée ces deux derniers jours. Pour faire les buts des. Donc, ils sont entre les deux champs. Là, c'est une parcelle de 16 hectares qui est divisée en 5. Donc, il y a un kilomètre de haies à peu près. Que vous êtes en train de faire là ? Vous êtes en train de planter des arbres ? Alors, d'abord, on a fait un talus. Ouais. Avec un fossé de chaque côté pour drainer. Et les arbres sont plantés au sommet. D'abord, ça a été paillé pour éviter l'évaporation et les herbes de concurrencer les arbustes. Pour qu'ils se développent un peu mieux, qu'ils poussent très vite. Pour empêcher les avions de passer. D'accord. Et c'est pas trop la saison là pour planter les arbres ? C'est un peu tôt. Là, il faudrait sans doute les arroser. Surtout qu'ils sont en feuilles, donc il va y avoir beaucoup d'évaporation. Donc ils auront des besoins à l'eau. Et là, vous avez fait le fossé à la main ? Oui. Vous voyez, il est fini là. Il y a quand même 150 mètres de fait là. Depuis une heure et demie. Comme quoi, hein, y a pas forcément besoin de machines, des fois. Quand il y a beaucoup de bras, ça va vite. Ouais. Voilà. Ce que vous allez cultiver, là, ça va servir à quoi ? Le moteur, du point de vue agricole, agriculteur, enfin ADK, etc., tu vois, le moteur de cette action-là, c'est bien la lutte contre l'aéroport et maintenir les terres agricoles dans un emploi agricole alors qu'on est sous les pistes, quoi. Hein, on est dans la zone travaux. Donc c'est continuer le maintien de la vie économique en général, mais agricole, indépendamment du projet d'aéroport. Ça, c'est le moteur. Ensuite, À la fin du cycle de ces cultures-là, on va faire les comptes. Si le bénéfice est positif, on sera heureux. On n'est pas sûr que le solde soit positif à la fin, quoi. Parce que on n'aura pas des rendements extraordinaires, loin de là. Donc, y aura quand même quelques frais auxquels il faudra faire face, hein, d'entretien des cultures, des frais de récolte, que là, une moissonneuse-batteuse, ça coûte quand même relativement cher. Donc, pour payer la moisson, la vente des produits, c'est la seule solution, quoi. La vente de la paille, la vente de la paille et la vente du tritical en ce qui nous concerne, oui. Sachant que sur la partie faite par la ZAD, l'essentiel repartira en autoconsommation sur la ZAD, quoi. Donc tu vois, il y a l'ensemble. Ce qui partira en autoconsommation, tu auras quand même des frais de moisson à payer, quoi. Moi, j'ai l'impression que ce qui anime les gens qui sont dans ces MTAZAD et tout ça, ou qui se rejoignent là, c'est de comment réfléchir à ces questions-là au sein d'une lutte contre un aéroport et contre le monde qui va avec et qui n'a pas qu'un aéroport, mais une agriculture qu'on refuse et des choses comme ça. Agriculture qu'on refuse, mais là, il y a quand même 9 hectares de triticale. Ben oui. Alors, comment concilier une agriculture qu'on refuse et qu'on va faire des trucs ensemble avec plein de tracteurs qui sont là. Mais ouais, c'est une partie des défis. Pour mettre des produits, supprimer les rumex et tout ça. Pas aujourd'hui. Non, pas peut-être tout de suite. Un jour. C'est une partie du défi ou de, je sais pas, ou de l'erreur qu'on fait. On saura jamais, de se dire que ça a un intérêt de faire des choses avec les gens avec qui on a une lutte en commun et que peut-être par cette lutte en commun, on les amènerait un jour à réfléchir à d'autres choses. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais du coup, de considérer que les choses peuvent se faire petit à petit et que peut-être c'est pas si grave si les 9 ou 5 hectares de cette fois-là sont en conventionnel, même si c'est assez absurde parce qu'ils n'en ont pas vraiment besoin ou qu'on peut faire autrement et qu'il y a plein de gens qui étaient prêts à faire autrement. Mais... Après, une partie des gens qui... Une présentation de l'affaire, c'est de dire « Ah, mais sur ces 21 hectares qui auparavant étaient en conventionnel, eh ben, du coup, il y en a 10 ou plus qui seront en non-conventionnel. » Mais il y a autre chose aussi qui se produit avec cette histoire d'agriculture conventionnelle, c'est qu'il y a un investissement financier pour louer des moissonneuses, batteuses, etc. Ça coûte cher. Et qu'ensuite, du coup, il faut vendre pour avoir un retour sur investissement. Ça induit justement un système économique qui n'est pas celui que nous souhaitons ici, non ? Enfin, nous, je dis, que certains souhaitent combattre ici, voilà. Il n'y aura pas d'enjeu de ce type-là parce que, en fait, c'est comme une action de solidarité où plein de paysans viennent d'ailleurs fournir les machines pour faire le boulot et tout ça. C'est ce qui... Donc, il y aura encore plein de choses à régler, manifestement. en tout cas, c'était pas l'objectif. L'objectif de faire participer plein de gens et justement diviser les coûts en question pour que finalement, ils représentent pas grand-chose pour chacun et qu'il n'y ait pas une obligation de on sait pas quoi. Et après, c'est une question qui se pose en général de toute façon, de comment on fait pour cultiver et de quoi on a besoin pour cultiver et à quel moment on cherche des solutions vraiment différentes pour trouver les moyens de cultiver ou on admet qu'on a besoin d'argent et de quelle manière on trouve de l'argent. Parce que la permaculture, c'est quand même une bonne solution par rapport à l'argent aussi, non ? Moi je sais pas, peut-être que je me connais pas assez en permaculture, mais j'ai l'impression que de toute façon, à des moments ou à des autres, il y a du travail du sol, il y a des semences, il y a... Au départ. Ouais, au mais départ. Du coup, il y a toujours un départ, quoi. Oui, mais il y a un départ, mais il n'y a pas un recommencement, quoi. Ça serait une idée, ouais. Ça permet de limiter les investissements, mais ça permet pas de limiter le nombre de gens et l'énergie humaine à y mettre dedans. Du coup, il faut trouver celle-là aussi. L'argument des agriculteurs pour avoir des grosses machines, c'est quand même de plus être qu'un agriculteur sur plein de surfaces par rapport à toute la main-d'œuvre que ça demandait de le faire à la main ou quoi. Par exemple, mais ici, il faut s'entraîner, c'est clair. Ici, là, il n'y a pas de projet de permaculture. Bah, sur ces 23 hectares-là. Non. Non, il y a des projets de culture sans intrants et avec engrais verts et des rotations et des trucs qui essayent d'être réfléchis et replantation de haies et tout ça, mais c'est pas exactement ce qu'on appelle une dimension permaculture. Ouais, peut-être l'année prochaine, hein, si tout le monde est entraîné. L'année prochaine, c'est parti. Zad, yeah, ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Premières actes d'expulsion, 16 octobre 2012. Déploiement massif, des forces de répression. Plus de 100 000 pantins vont patauger dans la bouse. Y'a même un hélico pour gérer la situation. Alors t'allumes ta télé pour voir les news. C'est la guerre ou quoi? Mais où passe mon pognon? En fait, c'est juste pour déloger squatteurs et paysans. Étouffer la terre avec des hectares de ciment. Ces gens n'ont pas le droit de cultiver. L'État veut construire un aéroport géant. Face à une telle aberration, résistants militants tiennent bon. Légumes contre la... C'était une émission enregistrée pour Radio Klaxon. Grenade contre cabane. La radio pirate de la ZAD. Zone à défendre sur Notre-Dame-des-Landes. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage. Ça vit ici, ça fleurit ici, ça bâtit ici et ça chie ici. Tu veux leur faire quitter leur bocage? Oublie tes profits, Vinci, dégage.